Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre à travers ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, ce sera pour parler de la persistance de la fraude transfrontalière dans la région des Grands Lacs. Six Burundais et deux Rwandais sont sous les verrous depuis le 5 septembre 2023 en Ngozi, accusés de fraude dans la vente des habits et du haricot. Ils auraient tenté de les vendre de l'autre côté du Rwanda voisin. Les autorités administratives et policières menacent d'emprisonner tous les habitants des collines visitées par les Rwandais, présumés fraudeurs, essentiellement dans trois communes, à savoir Busiga, Nyamurenza et Mumba. De l'autre côté, à la frontière burundo-congolaise, au moins 400 pagnes ont été saisies par les autorités burundaises en l'espace de trois semaines au même mois de septembre 2023. Comment se porte la fraude entre le Burundi et ses voisins de la région des Grands Lacs? Que dit la loi par rapport à la répression de la fraude au Burundi et au-delà des frontières? Emprisonner des commerçants d'une autre nationalité est une chose, mais quelles en seraient les conséquences diplomatiques? Pourquoi cette persistance de la fraude et quelle serait la mesure la plus efficace pour lutter contre la fraude transfrontalière dans la région des Grands Lacs? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Gabriel Rufsiri, vous êtes le président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Léonce, bonjour à mes collègues ici, mais aussi bonjour à tous les auditeurs. Lewis Fleury Bayoubahé, vous exercez le commerce transfrontalier. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de nous avoir invités. Je salue aussi ceux qui nous écoutent. Et puis il y a vous, élu Ronald Boniza, expert en matière de commerce international. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour et merci de votre invitation dans cette émission. Je salue aussi l'audience. Et le duo Séraphine Hakizimana et Innocent Bibonimana assure la mise en onde, réalisation de Vestine Boutoui et à la présentation, vous retrouvez Léonce Bitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission réalisée par Radio-Télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG La Benevolencia. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolencia. Mosaïque. Gabriel Rufsiri, quand on parle de la fraude transfrontalière entre le Burundi et ses voisins, ça vous fait quelle impression? Vous en faites quelle image? La fraude transfrontalière, c'est d'abord, je dirais, une culture. C'est une culture. Une culture vraiment malheureusement à marquer là. Mais ce que je dois vous dire en général, c'est une maladie. C'est un fléau qui est universel dans tous les pays du monde, que ce soit les pays moins avancés, les pays avancés, donc les pays développés. Il y a ce genre de choses. La fraude, il y en a. En tout cas, je voyage vraiment souvent dans les pays les moins avancés, les pays avancés. Nous constatons avec regret que cette fraude existe. C'est pour cette raison, par ailleurs, pour ceux qui voyagent au niveau des ports, au niveau des aéroports, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Asie, partout, vous allez trouver des douaniers un peu partout. Et là, ils ne cherchent que de la fraude. Et la fraude se fait sous plusieurs angles et par plusieurs moyens. Pas n'importe quel moyen, par des moyens sophistiqués. C'est pour cette raison que même ceux qui s'occupent de traquer ces magouilles doivent aussi chaque fois améliorer des stratégies pour combattre ce genre de fléau. C'est pour cette raison, par ailleurs, dans la plupart des cas, il y a de la fraude pour le commerce légal, mais aussi il y a de la fraude du commerce non légal, qui est illégal. Donc, ça dépend de quel commerce qui est concerné. Par exemple, les trafiquants de drogue. Il y a des lois spécifiques pour ça. Il y a des des lois spécifiques pour le trafic des drogues. Oui, des lois spécifiques pour traquer la drogue. Mais aussi, il y a d'autres lois qui concernent la fraude d'un commerce qui est accepté. Par exemple, le trafic des minéraux, par exemple, c'est un commerce, c'est un commerce qui est accepté, mais souvent, nous constatons avec regret que malgré qu'il y a des mesures qui ont été prises, mais que malheureusement ce commerce illégal ou illicite continue aux vieux et aussi d'autres mondes. Ce sont des vérités que finalement vous êtes en train de cracher, monsieur Gabriel Roussiri. Il y a lieu de dire que finalement la fraude d'une certaine et entre guillemets mauvaise manière, la fraude s'en enrichit. Ça, en fait, si vous essayez de regarder les statistiques au niveau international, c'est en termes de milliards et des milliards d'euros ou de dollars que ces commerçants marronnettes, les fraudeurs, ces fraudeurs marronnettes, en tout cas, entre guillemets, ce sont des commerçants ou des opérateurs économiques, entre guillemets, mais ils s'enrichissent démesurément aussi et aux vies de tout le monde, malheureusement. Mais c'est comme ça, ça enrichit vraiment les individus. Et ça dépend, comme je le dis. Les individus, pas les pays. Mais souvent, il y a des pays qui se trouvent dans ces fraudes, il faut le savoir. Il y a des États qui se trouvent dans la fraude. Par exemple, les minéraux. Dans la plupart des cas, vous avez entendu ici et là qu'il y a, par exemple, des États qui exploitent les minéraux congolais. Ce ne sont pas des individus. Ce sont des sociétés, sociétés qui agissent sous la bénédiction de certains États. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça. Malheureusement, c'est une réalité qui est là. Ça cache beaucoup de... Mais aussi, souvenez-vous, encore une fois, pour moi, quand on parle, dans votre mot introductif, vous avez parlé des personnes qui sont emprisonnées au nord du pays, des Rwandais et des Burundais. Oui. Mais souvent, ces gens-là qui sont emprisonnés, ce sont des individus vraiment qui volent des choses minimes. Ce sont des petits. Ce sont des petits poissons, je peux le dire comme ça. Mais des grands poissons, souvent, ils ne sont pas inquiétés. Je vous donne un exemple simple, juste pour un jour. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a des Burundais qui ont été emprisonnés. Des Burundais, je crois, 2 ou 3, suite à une fraude qui avait été opéré au Congo en utilisant des sociétés minières, des sociétés minières qui ne sont pas fictives, voilà le terme, qui sont des sociétés minières fictives, mais qu'ils utilisaient des avions apparemment, présentement, enregistrés au Burundi, mais tout en sachant qu'au Burundi, il n'y a aucun avion. Mais ces Burundais ont été emprisonnés, acquisant d'être dans le trafic des minéraux volés au Congo, mais utiliser des avions enregistrés au Burundi. Rolikom a écrit beaucoup de correspondances sur ça. Mais l'affaire, comme c'était une affaire d'abord entre les États qui concernait les Burundais, les Congolais et autres. Ça n'a pas été suivi de fait. Malheureusement, les Burundais, ils ont été libérés. Les gens dans le monde actuel, en tout cas, a été libérés. Mais aussi, on ne sait pas, l'affaire a été classée, je dirais, sans suite, comme ça. Mais c'est une affaire colossale, parce que ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas, mais on a eu des documents. Permettez que l'on passe la parole à Lewis Fleury, Bayou Wahel, qui exerce le commerce transfrontalier. Vous, ça vous fait quelle impression, quelle image, la fraude transfrontalière? Bon, premièrement, pour qu'il y ait la fraude transfrontalière, il faut qu'il y ait du commerce transfrontalier. Ah oui. Donc, entre les États, entre les continents d'ailleurs, il doit y avoir du commerce et la circulation des biens et des services. Et puis, l'image que ça me fait, la fraude transfrontalière, c'est que certains commerçants ou bien certains fraudeurs, puisque, comme l'a dit Gabriel Lofier, il y a des trafiquants ou des fraudeurs qu'on ne peut pas qualifier de commerçants. Parce que, par exemple, celui qui trafique la drogue, les humains et d'autres objet illicite, je ne peux pas le qualifier de commerçant. Donc, la fraude transfrontalière, c'est pour ceux qui veulent avoir des avantages énormes au détriment du pays à qui ils devaient payer des taxes. Un peu dommage, je dirais que c'est ça. C'est ça l'image que ça m'a donné. Est-ce que vous, en tant que commerçant transfrontalier, vous ne craignez pas d'être attrapé un jour accusé de fraude ? Vous estimez que vous êtes personnellement, blanc personnellement, le commerce que je fais, quand je m'y engage, c'est que j'ai déjà calculé ce que je dois à l'État. Je n'y vais pas par hasard pour amener quelque chose dont je ne sais pas le coût. Donc, quand j'arrive ici au Burundi avec ces produits, je passe par l'OBR et je paye les impôts qu'ils nous demandent. Et des fois, je m'approvisionne chez ceux qui sont légalement enregistrés et qui font du commerce légal. Je ne crois pas que demain, ça sera mon tour de faire ce que je qualifie de... Il y a lieu de croire que vous allez vouloir un jour vous enrichir en peu de temps à travers cette fraude. Si ça arrive, ça sera légalement. Légalement. Commentaire ou lecture de l'expert élu Ronald Boniza par rapport à la fraude transfrontalière entre le Burundi et ses voisins, le Rwanda, la RDC, etc., la Tanzanie, c'est comment ? Oui, la fraude transfrontalière, c'est le commerce au-delà des frontières, mais avec de mauvaises foi. Parce que si vous êtes dans un environnement concurrentiel de commerce, il y a ce qu'il faut, les activités, ceux qui effectuent les activités, bien sûr, de bonne foi, en suivant les règles et les lois qui régissent les activités. Mais s'il s'agit de fraude, c'est-à-dire vous passez à côté la loi qui régisse votre activité. Dans ce cas, vous avez un engagement particulier dans la faisabilité de ce que vous faites. Il y a le commerce entre deux parties, le vendeur, le client. Ça peut être aussi une société qui est qualifiée de vendeur ou une société qui est qualifiée de client. Il y a les transactions commerciales entre les deux parties. Il y a les lois et les règles qui régissent l'activité entre les deux parties. S'il s'agit du commerce au-delà des frontières, c'est le Rwanda qui est supposé être le vendeur et le Burundi qui est supposé être le client. Les sociétés ou vice-versa. Vous voyez, s'il s'agit d'une fraude, c'est-à-dire il y a une mauvaise foi, c'est-à-dire vous voulez vous enrichir, mais en passant à côté des lois qui ont été bien établies pour bien sûr faire une registration de votre commerce. Aujourd'hui, la loi burundaise, je dis par rapport au Burundi, la loi burundaise prévoit tout ça. C'est la loi 01/02 du 11 janvier 2007. C'est-à-dire on qualifie ça en quatre catégories. Il y a les infractions de première catégorie, de deuxième catégorie, de troisième catégorie et de quatrième catégorie. Pour la première catégorie, il s'agit tout simplement les tentatives ou toute tentative d'importation ou d'exportation sans aucune autorisation, sans aucun enregistrement. C'est-à-dire vous voulez amener les marchandises de l'autre côté, mais on ne sait pas de quelle catégorie de marchandises vous amenez. On n'est enregistré nulle part. Oui. Il n'y a pas une identification de ces produits. Dans ce cas, vous courez au risque d'être sanctionné. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions administratives qui sont liées à ce que vous avez fait. Il y a les infractions de deuxième catégorie. C'est-à-dire que vous effectuez un déplacement de vos produits sans qu'il y ait un document réglementaire au-delà du rayon douanier ou du rayon des douanes. C'est-à-dire que vous transportez des marchandises, des produits sans aucun document qui témoigne de la présence de vos produits dans les magasins de votre société. Il y a aussi les infractions de troisième catégorie. C'est la mauvaise foi qui s'affiche dans toutes ces activités. Par rapport à cette pratique ou à cette fraude, il y a des lois, il y a des règles, il y a comment... Il y a la qualification, il y a les opérateurs, il y a les acteurs. Ça devient une fraude, bien sûr, car il y a la mauvaise foi, il y a l'enrichissement illicite, il y a l'enrichissement qui n'est pas bien qualifié, qui n'est pas de bonne foi. C'est-à-dire que ça devient toujours la fraude quand il se fait de cette façon. Et quand on parle justement d'auteur ou fraudeur, ce sont lesquels essentiellement? Gabriel Roussilly parlait des individus, même des États. Les auteurs, donc les fraudeurs, ce sont essentiellement lesquels au niveau de la frontière? Il y a des individus. Oui. Il y a des individus, il y a des individus qui représentent des sociétés, il y a des États par représentation diplomatique, mais déjà qui exercent les doubles fonctions. Il y a les fonctions qui sont reconnues par la loi, les fonctions, ils sont appelés à faire à exercer des fonctions, peut-être sont des représentants administratifs dans une ambassade X, mais à côté de ça, ils font d'autres activités. Des activités qui ne sont pas reconnues par la loi. C'est-à-dire il y a des intervenants, il y a des acteurs. Dans ce cas, ils sont des fraudeurs par rapport à leurs engagements dans le commerce. Parce que ce sont des engagements qui ne s'affichent pas. Que dit la loi? Et c'est la question que je vais adresser également à Gabriel Roussilly, président de l'ORICOM. La loi en matière de commerce transfrontalier, c'est comment? C'est-à-dire, si on interroge la loi, il y a les infractions, il y a aussi des peines ou des sanctions. S'il s'agit, je vous ai déjà dit, il y a les infractions de quatre catégories, mais il y a aussi des peines, il y a des sanctions, il y a des sanctions administratives, il y a des amendes, il y a l'emprisonnement, il y a la confiscation des produits. Ça, en fait, ce sont des sanctions, mais ce sont des sanctions relatives à des infractions qui ont été commises par ces opérateurs. La loi, vous en dites quelque chose, M. Gabriel Roussilly, président de l'ORICOM. D'abord, avant de parler de la loi, je voudrais parler des catégories des agents qui se trouvent souvent dans la fraude, dans cette fraude. Moi, je dirais qu'il y a trois sortes de fraudeurs. Il y a d'abord le commerçant. Commerçant qui est commerçant titré. L'individu. L'individu ou la société. Ça dépend, en fait. Ça peut être une personne physique ou une personne morale. Mais aussi, il y a les passeurs. Les passeurs. Oui, les passeurs, ce sont des individus qui facilitent pour que cette fraude soit réalisée. Et les passeurs, souvent, peuvent être des individus isolés ou peuvent être des représentants étatiques. Étatique. Oui, mais dans tout ça, il faut savoir que il y a l'élément central dans tout ça, c'est la corruption. Oui, c'est la corruption qui est l'élément central. Le passeur qui a accepté d'entrer dans ce jeu-là, il y a une contrepartie qu'il a. Mais aussi, ou un agent public qui a accepté d'aller dans cette fraude, il y a un gain qu'il doit recevoir quelque part. Donc, c'est le commerçant, les passeurs, mais aussi, souvent, l'État. L'État, il peut se trouver... Et ça dépend de quel intérêt que l'État a. Vous avez entendu, il y a en fait plusieurs formes de corruption. Il y a ce qu'on appelle la corruption d'État. Vous avez entendu corruption de ça? Corruption d'État. Oui, il y a la corruption d'État, il y a la corruption politique, donc il y a la corruption électorale. Donc, il y a plusieurs formes de corruption et ça dépend de quelle matière qui est concernée. Oui, ça dépend. Donc, et finalement, il y a ces trois catégories. C'est toute une chaîne. De toutes les façons, pour chaque passage, chaque coup, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il faut savoir que... Je vous donne un exemple simple. Le trafic des êtres humains, ça peut se faire ici au Burundi, tout en passant par, vous avez entendu, par des associations, des sociétés qui ont été créées en toutes pièces, au Burundi, en Tanzanie, ou en Ouganda, ou au Rwanda, au Kenya, jusqu'à Dubaï ou dans d'autres pays. Donc, c'est toute une chaîne. Et cela se fait pour les êtres humains, comme ça peut se faire pour d'autres formes de commerce, légal ou illégal. C'est comme ça que ça se fait. Et les textes, la loi? La loi, il y a plusieurs lois. D'abord, il y a des lois nationales. Par exemple, au Burundi, la loi nationale, le premier texte, c'est le code de commerce. Le code de commerce énumère plusieurs catégories de commerçants, mais aussi montre comment le commerce doit... Sauf, vous comprenez, c'est un code, hein? C'est pas n'importe quel document, c'est pas n'importe quel texte, c'est un code. Comme il y a... Ça, c'est pour le commerce en général. Mais il y a des commerces spécifiques. Par exemple, l'or, les minéraux. Les minéraux sont régis par une loi spécifique qui est le code minier. Mais aussi, ce sont des lois, comme je le disais, des lois nationales. Mais il y a des textes régionaux qui sont le fruit de la coopération entre les États en vue de freiner d'atténuer cette fraude. Donc, comme je le disais tantôt, il faut savoir que la fraude transfrontalière ne peut pas, en aucun cas, être éradiquée. Ça peut être atténué. Donc, je nuance les deux verbes. Ça donc, ne peut pas être éradiqué. Éradiqué, mais ça peut être atténué. Dans le monde entier, il n'y a aucun pays au monde qui a éradiqué ce genre de fraude. Mais ça a atténué ou diminué sensiblement. C'est un fait qui est là. Qui est là et ça date de nuit de temps. C'est vraiment un fait qui existe depuis que le péché est venu sur terre. En fait, il faut savoir, vous voyez, nous sommes quatre sur ce plateau-là. Mais nous avons quatre égaux. Donc, là, c'est la guerre des égaux. Quand il y a la guerre des égaux, si chacun veut soutailler la part des lions. C'est comme ça. C'est pour cette raison que les lois et règlements doivent intervenir et doivent être impersonnels pour limiter les dégâts. C'est comme ça. Donc, je parlais tantôt des lois nationales. Je parlais du code de commerce, mais aussi en matière de répression, et ça dépend aussi de l'infraction. Des fois, le code pénal intervient. Et intervient pour sanctionner des individus qui sont accusés de telle ou telle infraction. Mais il y a souvent des amendes, mais aussi il y a des infractions où on peut emprisonner les individus. Mais en plus du code pénal, il y a la loi du 18 avril 2006 portant répression de la corruption et des infractions connexes. Donc, il y a la corruption. J'ai déjà parlé de la corruption. Donc, la corruption passive et la corruption active. Mais aussi, il y a les infractions connexes à la corruption, dont la fraude, alors. Et cela, il y a des institutions qui ont été mises en place pour poursuivre ces infractions. C'est la Brigade spéciale anticorruption, entre autres, qui est chargée d'investiguer et de donner au procureur général et la cour anticorruption. C'est cette cour-là qui est compétente et selon donc l'individu qui est accusé d'une infraction, si par exemple c'est un haut gradé de la police ou de l'armée ou un haut cadre de l'État, c'est la cour suprême, c'est pas la cour spéciale anticorruption. Mais là aussi c'est une faille de la loi parce que normalement les cours, ce sont des infractions spéciales, donc un peu spéciales, d'où il y a eu création d'une institution spéciale, donc d'une juridiction spécialisée. Donc ça, c'est au niveau local. Il y a des textes alors au niveau régional. Par exemple, c'est un cas juste pour les minerais, le trafic des minerais. On a mis en place 6 outils régionaux de prévention de trafic des minerais. Par exemple, pour éviter que les minerais soient volés au Congo et que c'est le Burundi qui commercialise, ou le Rwanda ou la Tanzanie qui commercialise les minerais volés au Congo, il y a un outil qui s'appelle l'étiquetage de ces produits. Pour que ces produits soient, ils doivent être étiquetés, mais ça ne se fait pas malheureusement. Donc, pour étant encore aussi les minerais, sachez que dans les rapports qui ont été menés par les experts des Nations Unies qui suivaient ce qu'on appelle les minerais du sang au Congo. Les minerais du sang. Du sang, oui. Donc, les fraudes, les minerais du sang, on appelle les minerais du sang. Donc, ces minerais du sang, on a trouvé qu'au Burundi, je pense que c'est l'année 2018, les minerais. Au Burundi, il y a aussi des minerais du sang. Bien sûr, c'est partout. C'est partout. Donc, les minerais qui ont été vendus à Dubaï, c'est autour de 2000 kilos d'or ou des tonnes d'or. En provenance de En provenance de Burundi. Ça se trouve dans des rapports officiels. Ça se dit que c'est les minerais du Burundi, mais au final, on ne voit rien dans le trésor public que ces minerais réellement sont venus du Burundi. Donc, pour nous, cette fraude, c'est vraiment quelque chose de colossal, d'où il y a même des conventions internationales qui ont été ratifiées par le Burundi. Et pour, on est encore sur la loi, Donc, cette convention qui a été ratifiée par plus de 189 pays, États, dont le Burundi, c'est une convention qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et sur base de cette convention, ça intervient ce qu'on appelle la coopération entre les États pour prévenir. Finalement, Gabriel Roussiri, ce n'est pas facile que vous puissiez terminer votre j'ai intervention. Terminé. Je suis en train de parler de lois qui régissent. Les autorités administratives et policières burundaises menacent d'emprisonner les habitants, et nous l'avons dit dans le mot introductif, les habitants des collines visitées par des Rwandais présumés fraudeurs dans les communes Nyamuri, Enza, Busiga et Mumba. Quelles en seraient la plus-value s'il advenait que la mise en garde soit appliquée, comme tel Monsieur Lewis Fleury. Et nous avons parlé de ses habits, du haricot, mais il y a finalement plus que ça. Parlant de ce cas, bon, ça me paraît un peu bizarre que les gens qui sont présumés fraudeurs, alors qu'il devrait y avoir la présomption d'innocence, Ça serait injuste de la part de ces autorités. Mais si ils les ont attrapés en train de vendre au Rwanda les produits venant du Burundi sans payer les taxes, sans passer par les autorités douanières ou administratives qui sont censées faire respecter ce commerce, qui sont censées faire respecter la loi dans le commerce, je pense qu'il devrait être puni par la loi. Mais les menacer, je ne sais pas ce que prévoit la loi. Est-ce qu'on peut menacer quelqu'un qu'on présume alors qu'on ne l'a pas encore attrapé? C'est un cas particulier qu'il faut plus d'informations pour qualifier s'ils doivent être punis, s'ils doivent... Mais si... réellement, ils ont fait la fraude, ils doivent être punis par les Burundais, s'ils l'ont fait au Burundi, par les Rwandais, si ça se pratique au Rwanda. Mais en cas de possibilité, c'est possible de traquer, comme le disait tantôt Gabriel Roussiri, c'est possible de traquer et aussi atténuer, pas éradiquer. Comme Gabriel Roussiri l'a dit, c'est dans la nature humaine que vient cette envie de s'enrichir illicitement que vous parliez tantôt. Donc, on peut essayer. On peut essayer de réduire ou de minimiser les fraudes. Mais dire qu'un jour, on va en finir avec la fraude, je pense que ce n'est pas possible. Donc la lutte jusqu'à zéro fraude, c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Et surtout, ce qu'il faut réduire, c'est les causes de la fraude. Il faut essayer de mettre des situations qui permettent aux commerçants de ne pas trouver l'avantage dans la fraude. Puisque si c'était légalement avantageux de pratiquer le commerce, pourquoi ils iraient faire la fraude? Peut-être que c'est dans la loi, par exemple, il y a la taxe sur la valeur ajoutée qu'on applique sur plusieurs produits qui entrent dans le pays. Dans certains pays, on en paye une fois sur un produit et puis c'est fini, c'est appliqué sur le prix jusqu'au dernier consommateur. Mais au Burundi, on trouve que si il a parlé des grossistes, des semi-grossistes et des détaillants, tu vas trouver que le grossiste a déjà payé la TVA, le semi-grossiste doit payer aussi, et le détaillant doit payer ce TVA. Même le dernier consommateur qui vient dans une petite boutique pour acheter, il va payer la TVA parce que c'est le dernier vendeur doit appliquer ça parce qu'il a déjà payé aussi. Et ça permet, ça cause que les produits deviennent un peu plus chers. Et pour les commerçants qui veulent, qui savent le revenu d'un Burundais moyen, ils doivent trouver comment faire entrer les produits et puis les vendre au prix abordable. Puisque légalement, ce ne serait plus abordable le prix de ce prix. Et tant que vous avez le micro, la parole, M. Lewis Fleury, quelles conséquences au niveau diplomatique si l'on en venait à emprisonner des commerçants venant d'autres pays. Nous parlons de fraude transfrontalière. Si l'on en venait à emprisonner des commerçants venant d'autres pays, le Rwanda, la RD Congo, pour le cas d'espèce, les conséquences, ce sont lesquelles selon vous? Selon moi, sur le cas qu'on a déjà parlé, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences diplomatiques, mais il peut arriver qu'il y ait des fraudeurs, comme l'a dit les gros poissons, qui sont à la solde de certains États, qui sont attrapés un jour dans un pays. Je ne veux pas dire les pays frontaliers comme ça. Disons un Camerounais qui est au Nigeria, à la solde de son pays, et qui fait du trafic. Peut-être que le gouvernement camerounais va réclamer qu'il soit puni chez eux, alors qu'il faisait du trafic dans l'autre pays. Donc, il va y avoir nécessairement... Donc, sa nation peut en savoir quelque chose, malgré tout. Oui, oui. Élu Ronald Boniza, les conséquences au niveau diplomatique, ça peut être lesquelles, selon vous? Les conséquences au niveau diplomatique... S'il advenait que l'on emprisonne quelqu'un, donc accusé de fraude et transfrontalière... Oui, oui. Premièrement, on doit savoir, vous savez tous très bien que le commerce au-delà des frontières engage des parties, comme on l'a déjà souligné. Mais si le représentant diplomatique est engagé, aussi réellement, sa contribution a été ainsi dégagée. Dans ce cas, on va interroger les textes, les lois et les règles qui régissent ce commerce et en cas d'infraction, les peines qu'il doit subir. Et dans le cas contraire, s'il s'agit de relations diplomatiques entre deux États, c'est-à-dire un seul individu ne doit jamais interrompre les relations diplomatiques entre les deux pays s'il y a une certaine responsabilité dans cette pratique ou dans cette transaction de mauvaise foi. Parce qu'il sera puni individuellement sans tenir compte de sa représentation dans l'autre pays. Donc il y a considération du rang de quelqu'un, du présumé. Ah oui. Et dans ce cas, on va voir son engagement, ses objectifs, ses motivations. Il y aura beaucoup de choses à voir, mais le commerce reste toujours le commerce. S'il a peut-être une société à part, on va voir le cadre logique d'exécution de ses activités. On va voir ce qu'il a fait. On va voir les infractions qui ont été commises par rapport à son implication. C'est-à-dire les lois et les règles sont de diverses catégories et chaque loi définit les peines et les sanctions qui sont relationnelles à ça. Et moi, placé, Gabriel Roussili, président de l'ULICOM. Par rapport à quoi? Par rapport aux relations diplomatiques. Les conséquences au niveau diplomatique, s'il advenait que l'on attrape quelqu'un, que l'on emprisonne quelqu'un accusé de fraude, de fraude transfrontalière. Donc, les relations au niveau des relations diplomatiques entre nations. En matière de coopération entre les États, il y a plusieurs points et plusieurs moyens à mettre en œuvre. C'est le cas. Pour le cas qui nous occupe actuellement, il peut y avoir trois possibilités. La première possibilité, et aussi ça dépendra de l'attitude du pays dont ces ressortissants qui sont emprisonnés, donc le pays, comment ils réagissent. Prenons par exemple, pour le cas qui nous concerne, si le Rwanda, par exemple, peut écrire via la voie diplomatique au Burundi, ce que le Burundi peut faire, il peut le juger, soit il peut, s'il y a accord de coopération, il y a ce qu'on appelle accord de coopération judiciaire. S'il n'y a pas d'accord de coopération judiciaire entre ces deux États, ça ne va pas se faire. Donc, il doit y avoir des textes qui montrent comment ils échangent ce qu'on appelle les fauteurs de troubles l'extradition. On ne peut pas extrader comme ça. Il doit y avoir des accords entre ces deux États. Mais aussi, les accords, pour le cas qui nous concerne, les accords judiciaires. Je dirais qu'en premier niveau, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas d'accord, sans présumer, le pays concerné peut décider sans accord ou avec des échanges diplomatiques, que ces présumés coupables soient condamnés dans le pays et purgés la peine dans ce même pays, ou soient condamnés et allait être purgé la peine dans le pays, dans son pays d'origine. Et en quelques mots, M. Gabriel Lucili, président de l'OLICOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, en quelques mots, la fraude transfrontalière constitue finalement un danger pour la ou les nations. Oui, ça constitue un danger grave, gravissime même, si je peux ajouter du qualificatif. Gravissime parce que, d'abord, ça implique plusieurs acteurs. Ça, c'est la première chose. Dans la plupart des cas, c'est le représentant de l'État. Dans d'autres cas, les États. Dans d'autres cas, les commerçants, les passeurs. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne. D'où la dangerosité vraiment est réelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'implication économique. Il y a un coût économique énorme. Malheureusement, il y a des chiffres au niveau international, mais je ne suis pas sûr qu'il y a des chiffres exacts dans la sous-région pour le Burundi. Mais je pense qu'il y a des institutions comme la Commission économique des Nations Unies ou CNISED. CNISED, c'est une agence des Nations Unies qui s'occupe du commerce international et bien d'autres institutions internationales qui étudient minutieusement. Donc, je suis sûr que le coût économique de la corruption, plus particulièrement, et les fruits illicites de ces moyens, c'est vraiment évalué à plusieurs milliards d'euros ou de dollars. D'où vraiment le danger est là. Qui se volatilise dans les poches. Dans les poches des individus, mais aussi dans les poches des États. Il faut le souligner. Il y a des États, qui sont impliqués. Nous sommes souvent dans des réunions internationales, dans des conférences internationales, où on montre réellement les dangers de ça. Mais ici, nous sommes en train de parler vraiment du commerce légal, du commerce accepté. Parce qu'il y a des trafics qui ne sont pas acceptés. Par exemple, le trafic des êtres humains, ça se fait. Le trafic transfrontalier des êtres humains, de la drogue et bien d'autres trafics qui ne sont pas, du commerce qui n'est pas accepté. Mais ici, nous sommes en train de parler de trafic des produits acceptés, des produits qui sont réglementés, reconnus. Donc, il y a des pertes énormes en termes de moyens financiers, d'où les États. Et cela se fait avec la réciprocité, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les importations, il y a la fraude, mais aussi il y a les exportations, où il y a la fraude. Donc, ça se fait à des niveaux. Au Burundi, par exemple, on peut parler du café, des minéraux, vous venez de déjà qui sont emprisonnés, mais ça sont des petites choses vraiment pour le haricot, les pagnes. Donc, les pagnes, c'est pour les importations, mais aussi peut-être avec Cotebou, Afritextil, il peut aussi être fraudé, mais pourquoi pas au sucre? Vous souvenez-vous du sucre? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment petit. C'est petit, l'épargne, le haricot. Mais il y a de la fraude colossale où il y a des pertes énormes. Et d'où, vraiment, il doit y avoir des stratégies pour juguler ce genre de choses. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la persistance de la fraude transfrontalière dans la région des Grands Lacs. Avec nous sur le plateau, trois invités, à savoir Gabriel Lucili, président de l'OLICOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, et Lewis Fleury Wayubahe, un commerçant transfrontalier, ainsi que élu Ronald Boniza, expert en matière de commerce international. Une question sur tout le plateau ici. Lewis Fleury, Bayou Bahé, pourquoi cette persistance de la fraude transfrontalière selon vous? Et les conséquences, je crois, M. Gabriel aussi vient d'en énumérer certaines. La fraude persiste, comme on l'a déjà dit, par la nature humaine, la volonté de s'enrichir dans un peu de temps. Et puis, il y a aussi les causes qu'on ne parle pas souvent. Souvent, on vient pour juger ou qualifier ces fraudeurs comme quoi ils font de mauvaises choses. Mais les causes profondes de ce trafic de fraude, souvent, c'est la loi qui oblige certains commerçants. Je ne dis pas tout le monde. Certains commerçants font de la fraude parce que légalement, c'est une perte. Et si on passe par les voies... Ils sont perdants lorsqu'ils sont en train de travailler légalement. Des fois, ça arrive. Mm-hmm. Des fois, ça arrive. Je vous ai donné le cas de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'ajoute sur chaque transaction d'un produit. Il y a autre chose. Quand on élabore le budget de l'État chaque année, on trouve que ce budget continue d'augmenter. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que quand le budget de l'État augmente, est-ce que les sources ou les ressources qu'il dispose pour avoir ce budget pour continuer de fonctionner, est-ce que les contribuables, les commerçants, est-ce qu'ils sont en train d'augmenter leur niveau de richesse? Des fois, c'est non. Et puis, l'État, pour compenser à ce manque, et des fois, il prévoit même des amendes comme quoi ça fera partie du budget de l'État, ce qui est insensé à mon niveau. Puisque des fois, ça peut arriver, si un jour ça arrive, qu'il n'y ait plus de fraudeurs, qu'il n'y ait plus ces pénalités-là, où est-ce qu'on va trouver l'argent prévu dans le budget de l'État? Donc, les causes sont profondes. Des fois, c'est dans la loi. D'autres fois, c'est dans la nature humaine. Ce qu'on peut faire... Mais de toutes les façons, il y a aussi des conséquences face à l'économie nationale. Pas seulement sur l'économie nationale, d'ailleurs. Je veux parler sur l'économie, même au niveau de la sécurité du pays. Prenons par exemple... Nous avons parlé des fraudeurs qui font entrer des haricots ou des pagnes. Mais ces mêmes fraudeurs, ils peuvent amener des armes aussi. C'est très dangereux pour un pays. Donc, si... C'est finalement un danger. C'est un grand danger pour un pays. Et quand on ne contrôle pas ce qui entre dans le pays ou ce qui sort dans le pays, c'est vraiment très dangereux. Et pour l'économie et pour la société. Parce qu'ils peuvent même faire entrer des produits dangereux pour la santé. Souvent, on parle de ces produits d'épargne et ce n'est pas aussi dangereux que ça. Ils peuvent amener des produits qui ne sont pas reconnus, d'ailleurs, fabriqués par des firmes qui ne sont pas reconnus et qui font du tort à la santé de la population. Élu Ronald Boniza, les causes et les conséquences de cette fraude transfrontalière, selon vous, ce sont lesquelles? Il y a beaucoup de causes, mais on peut souligner les causes essentielles. Il y a l'engagement dans cette pratique qui est vraiment une pratique de mauvaise foi. Il y a des gens vraiment qui sont engagés à faire ça. Peut-être qu'ils ont un bénéfice quelque part lié à ces transactions commerciales. Et du coup, ils sont engagés à faire ces activités, à faire cette pratique. Il y a aussi les causes, ils ne sont pas conscients des conséquences qui répondront si ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, si une faible croissance économique de notre pays, il y a une cause essentielle qui est liée à cette pratique frauduleuse. Aujourd'hui, si on est engagé à faire ce commerce au-delà des frontières avec cet accès dans la faisabilité de cette transaction, vous saurez bien sûr qu'il y aura aussi d'autres conséquences liées aux réponses négatives de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la population burundaise, elle n'a pas cette conscience qui est sociale et professionnelle de ce qui va suivre après. Aujourd'hui, les dépenses publiques, les dépenses publiques sont en conséquence de ce qui a été effectué avant. Aujourd'hui, il y a des initiatives de développement, des initiatives entrepreneuriales qui ont été étouffées par des gens mal intentionnés. Aujourd'hui, il y a des activités qui sont enregistrées nulle part parce que les gens qui effectuent ces activités sont déjà mal intentionnés, sont déjà vraiment qui ne trouvent aucun avantage dans la réalisation de ces objectifs, commerciaux. Et par conséquent, nous voyons, il n'y a pas une création d'emploi. Il n'y a pas l'exactitude dans la faisabilité de ce truc que je viens de vous dire. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, M. Gabriel Oussili, quant aux causes et conséquences de cette fraude transfrontalière? Sinon, on va passer aux recommandations, ce qui devrait être fait. Moi, je pense que c'est vrai, on peut parler des causes, on peut parler des conséquences pour conscientiser les gens. Mais pour moi, je pense que les recommandations sont... Il faut vraiment donner le temps. Et c'est alors, important. Selon vous, quelle devrait être la mesure la plus efficace pour mettre un terme à cette infraction au niveau de la région des Grands Lacs? Peut-être avant de parler des recommandations, je voudrais souligner quelque chose que mon collègue ici a parlé en rapport avec la faille de la loi. Il a parlé de la TVA notamment, oui. Mais il faut savoir que la TVA est payée par le citoyen. Ce n'est pas le commerçant qui paye la TVA, non. C'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est payée par le citoyen, le contribuable. Le consommateur. Le consommateur. Donc, c'est seulement là où je peux voir les problèmes, le problème, c'est parce qu'en fait, c'est comme on rappelle la valeur ajoutée, ça augmente le prix. Mais pour le commerçant, lui, il ne perd rien. Donc, ce qu'il perd, peut-être quelque part, c'est parce que c'est lié au pouvoir d'achat du citoyen. Le pouvoir d'achat du citoyen, nous le savons aujourd'hui, nous avons un citoyen qui a un pouvoir d'achat qui est faible au niveau mondial. Donc, c'est au niveau mondial, c'est à peu près, c'est autour de 300 $ par an et par habitant, donc moins d'$1. Avec un tel pouvoir d'achat, il est très difficile. Donc moins d'un dollar par jour. Mais moins d'un dollar par jour, il est très difficile vraiment de croire que le citoyen lambda peut vraiment subvenir à ses besoins s'il y a, cette infraction qui est souvent incontrôlable. Monsieur Gabriel Oussili, tant que vous avez le micro, oui, vous avez tantôt parlé de atténuer, pas éradiquer. Quand on parle de cette fraude transfrontalière, c'est possible d'atténuer et pas éradiquer. Nous sommes en train de parler des recommandations cette fois. Effectivement, selon plusieurs experts, il est pratiquement impossible d'éradiquer. C'est-à-dire, éradiquer veut dire zéro fraude, oui. Ce qui n'est pas possible. Mais atténuer veut dire qu'il y a des résidus. Donc, pour nous, atténuer, c'est possible. Mais là aussi, il doit y avoir des mesures drastiques en vue réellement d'éradiquer. Parce que, comme nous l'avons dit, la fraude est liée à la corruption. La fraude est liée aux intérêts des gens malhonnêtes et pas n'importe lequel, déjà puissant, qui utilise l'argent. Donc, il faut des mesures. Oui, des mesures. Lesquels notamment? En fait, pour montrer l'ampleur, il faut une étude minutieusement menée par des experts qui montrera d'abord le montant que chaque État de la sous-région perd. En tout cas, ça sera en termes de milliards. Ça sera une étude régionale, pour moi, où on va mesurer réellement le coût de la fraude dans la sous-région. Burundi, Ouganda, ou Dariassé, si vous voulez. Mais il faut une étude minutieusement menée par un bureau internationalement reconnu. Parce que souvent, on fait des choses biaisées pour avoir au final des résultats biaisés. Ça, c'est la première chose. Donc, je disais que ce rapport doit montrer le coût, mais aussi montrer la catégorie des marchandises qui sont souvent fraudées. Mmh. Que ce soit des marchandises importées ou que ce soit des marchandises exportées. Mmh. Pour lister toutes ces marchandises. En troisième position, le rapport doit montrer les personnes, les individus qui se trouvent dans cette fraude. J'ai parlé des passeurs, j'ai parlé des États, dans la plupart des cas, j'ai parlé des agents publics, les cadres de l'État à titre individuel, mais aussi j'ai parlé des commerçants. Donc, il y a plusieurs catégories des individus qui doivent être indexés. Enregistrés. Plutôt indexés, il faut les montrer pour qu'ils puissent, ces groupes-là, soient connus. Moi, je pense que ces trois catégories, mais aussi dégager quand même des recommandations à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on va montrer qu'il y a un problème. Une fois que le TID est là, il faut organiser un forum sous-régional ou régional. C'est-à-dire une conférence sous-régionale qui va valider le TID et montrer réellement l'ampleur. Si vous voulez, il faut que les médias de la sous-région puissent être mis en contribution pour informer les citoyens, parce que les gens ne savent pas les dangers qui sont derrière. Tantôt, on a parlé des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, mais il y a plusieurs enjeux. Et ce rapport-là doit dégager tous ces enjeux-là. Une fois que, donc, cette conférence... Finalement, la fraude, c'est moins connu, mais c'est dangereux. C'est trop dangereux. Mais c'est trop dangereux, même au-delà de ce que nous sommes en train de parler. Donc, c'est au-delà de ce que nous sommes en train de parler. En plus de cette recommandation, pour conclure, et mes collègues vont ajouter d'autres, je peux vraiment passer des heures en train de parler des recommandations, c'est par rapport à la solidarité que nous observons de la part de certains dirigeants commerçants. Donc, il faut que les mandataires publics... entre les commerçants, les groupes que j'ai cités. Oui. Donc, vous savez, qui est censé lutter contre cette fraude? C'est l'autorité publique. Mais si l'autorité publique, en quelque sorte, est dans ce courant, comment il va le faire? Donc, il faut qu'il y ait une stratégie globale de lutter contre les conflits d'intérêts d'un côté, mais aussi de lutter contre ces incompatibilités que nous observons actuellement des mandataires publics qui sont des commerçants. Il faut purement et simplement que les mandataires publics n'exercent plus de façon formelle le commerce. Donc, comme ça, ça va aider de faire une lutte efficace. Recommandation, Lewis Fleury, Bayoubahé. Commerçants transfrontaliers. Comme recommandation, je me baserai essentiellement sur la loi. Puisque des fois, je connais des cas, j'analyse les situations de certains fraudeurs. Des fois, la plupart des fois, c'est la loi qui les empêche de faire leur commerce en bonne et due forme. J'ai tantôt parlé de... par exemple, est-ce que la loi qui régisse le commerce aujourd'hui est-elle d'actualité? Puisque, par exemple, la loi... Le code du commerce, ça date de 1989. Si ça régit aujourd'hui le commerce, des fois, il y a à certains niveaux où on a besoin d'actualiser la situation sur ce code du commerce. Autre chose, il faut que les agents ou l'autorité fiscale, il faut qu'ils considèrent les entrepreneurs, les commerçants ou les opérateurs économiques comme des partenaires, non pas comme des rivaux, des rivaux, ou qu'ils globalisent toute cette catégorie-là comme étant des fraudeurs. Et souvent, la fraude qu'on n'a pas parlé, c'est la fraude fiscale. Ça implique souvent sur les taxes qu'on ne veut pas payer. Et puis, l'autorité fiscale, souvent, il catégorise tous ces commerçants et entrepreneurs comme étant impliqués, même les étiqueter à l'avance, avant qu'ils ne sachent la situation de l'un ou de l'autre. Merci. Je vais passer la parole à vous, Élu Renard Poniza, expert en matière de commerce international. Les recommandations que vous pourriez émettre par rapport à la lutte contre cette fraude transfrontalière, ce sont lesquelles? Oui, les recommandations, comme bien sûr, plus de solutions à ce pratique. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, mais je peux citer quelques quatre. Mm-hmm. On doit trouver où il faut qu'il y ait un renforcement de coopération avec un degré d'exigence. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans le commerce entre les États, entre les pays, s'il s'agit bien sûr du commerce avec un aspect de fraude, il faut que tous les pays soient des acteurs qui sont bien avertis sur ce danger. Mm-hmm. Il faut qu'ils participent ensemble pour la bien-tenue ou pour le bon déroulement de ces activités. Mm-hmm. Ça, c'est un. Deux, il faut qu'il y ait une base juridique qui est à jour. Aujourd'hui, les textes et les lois, il faut qu'il s'agisse des lois vraiment qui donne une image des droits et des devoirs d'une partie de l'État et des opérateurs aussi économiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, le commerçant burundais, il faut qu'il trouve une image qui le favorise dans le déroulement de ses activités. Mais aussi, l'État, il faut qu'il trouve les impôts comme source de recettes destinées à financer les dépenses d'investissement public. Aussi, il faut qu'il y ait des séries de contrôle interne ou national. Il y en a, mais il faut renforcer tout ça. Mais il faut aussi décourager les gens ou les commerçants qui préfèrent faire ces activités dans les voies illégales. Il y a des dissimulateurs, il y a des trafiquants, il y a des braqueurs. Tout ça, il faut les décourager tout simplement. Vous voyez, ce sont des solutions que je trouve idéales à cette pratique. Et si on essaie à les mettre en œuvre, nous allons trouver vraiment un aspect positif de cette pratique. Mmh. Ah ouais. D'une manière générale, la lutte contre la fraude transfrontalière, c'est un combat de tous les jours. Oui. On doit mener ce combat tous les jours. Merci beaucoup, Élu Renard Poniza, expert en matière de commerce transfrontalier. Merci d'être venu, merci de votre contribution à l'émission. Ah oui, merci. Moi aussi, je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, Gabriel Roussili, président de l'OLICOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci à vous aussi. Et merci à vous, Lewis Fleury Bayou-Bahé. Vous exercez le commerce transfrontalier. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui, une émission réalisée par Radio-Télévision Isanganiro en collaboration avec l'ONG La Benevolencia. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Vesti Nebutoi pour la réalisation. À la présentation, c'était Léonce Vitalio. Bonne suite des programmes sur nos ondes. Mosaïque.